Afrique Média. Le monde, c'est nous. Retour donc sur le plateau avec les mêmes invités, le docteur Jean-René Douma, le président Bandakani, Bertrand Tatinda et Henri Diabaté Mandeng pour parler cette fois-ci des mobilisations et manifestations au Burkina Faso avec ces jeunes Burkinabés qui sont au Luc Alade. On vous retrouve à présent, Bertrand Tatinda, pour évoquer cette deuxième thématique-là. Tout d'abord, comment comprendre que après toutes ces frasques, Luc Alade soit toujours du côté de Ouagadougou? Ben, Luc Alade est du côté de Ouagadougou parce que le Burkina Faso semble être seul dans son combat. Les Africains ne sont pas solidaires. Les Africains ne veulent pas être solidaires. Les Africains se livrent à des espèces de pitreries, à des comportements qui amusent la galerie. Vous n'êtes pas au courant que le président de la Commission de l'Union africaine a reçu deux tondus au féminin, une pelée et une tondue au sein de la Commission, venant sommer les Africains d'apporter leur soutien à l'Ukraine? C'est quoi, d'après vous? C'est une pitrerie. Il n'y a pas de problème sérieux, justement, comme celui-là. Bon, nous avons démontré ici que le président de la Commission n'est qu'un secrétaire. C'est un secrétaire. C'est-à-dire qu'il rédige les rapports, en fait, de la conférence des chefs d'État, qui même s'appuie sur les rapports de ce qu'on peut appeler le conseil exécutif, des ministres des Affaires étrangères qui remontent les dossiers, après qu'il y ait eu un certain nombre de débats. Mais lui, il a reçu la dame. Il recevait la dame au nom de quoi? De sa petite carrière, de ses petites ambitions, ou bien au nom d'un problème sérieux des Africains. Mais ça a lieu quand vous amusez la galerie, c'est-à-dire que ceux qui payent les salaires, ceux qui financent l'Union africaine, les patrons de l'Union africaine viennent vous dire que bon, maintenant c'est terminé. Et qu'est-ce qu'elle mettait dans ce gage-là? Je viens sur le sujet du Burkina Faso. C'était, ben, on va voir dans quelle mesure on va vous faire rentrer au sein du G20 et vous donner deux sièges au Conseil de sécurité. C'était pas cette histoire où vous aviez appelé ici sommet. Et moi je vous disais, mais monsieur Wafo, je vous connais, vous êtes sérieux. C'était un sommet? Monsieur, vous vous dites, monsieur Tadna, le sommet États-Unis-Afrique, c'était un sommet où cette pitrerie-là, voilà ce qui a été repris là-bas, avec une promesse de 45 milliards, promesse de dons, d'investissement de 45 milliards de monsieur Biden sur les économies africaines. Il n'y avait pas chef d'État africain là-bas. Il n'y avait pas chef d'État africain là-bas. Moi, je l'ai toujours dit ici et je l'ai crié que vraiment, si Dieu avait fait seulement un peu que le patriarche président. Mais nous savons pourquoi le patriarche président est parti. Parce qu'il est justement allé expliquer là-bas que nous avons un autre type de mécanisme qu'on peut mettre à pied pour financer notre développement. Effectivement. C'est ça. Donc ça veut dire que des tondus et des pelés peuvent encore venir nous vendre des plans d'ajustement structurel. Vous allez voir Africains l'accepter et dire que oui, c'est de nouvelles orientations économiques. Des tondus et des pelés peuvent encore venir nous vendre l'aide publique au développement. C'est du même niveau. Voilà pourquoi un pays comme le Burkina Faso se retrouve à prendre une décision comme ça. Et tout le monde regarde et dit que vraiment, moi, le voisin direct du Burkina Faso proche, c'est M. Macky Sall. Qu'est-ce qu'il en pense de ça? Il s'est prononcé. Qui a rencontré les... Oui, c'est qu'il y a une succession de maladresses. Il y a une succession de maladresses du côté français. Ensuite, il y a des manquements de la France dans un certain nombre de situations, parce qu'il faut déjà comprendre que la présence des forces militaires françaises est une présence illégale, illégitime, et qui est devenue par la suite impopulaire. Je vais expliquer pourquoi. En 2018, les autorités burkinabées, à la suite d'un accord qui n'a pas été parafait par le Parlement burkinabé, parce que le Parlement, ça n'existait pas, ont décidé de signer un accord avec la France dans le cadre de l'opération Sabre pour lutter contre, soi-disant, contre le terrorisme. Mais installé à Cambouassin, installé cette base, sauf que, même en France, l'article 35 de la Constitution est clair. Tout engagement des forces françaises, forces militaires françaises, hors du territoire français, est soumis à l'autorisation du Parlement dans les trois jours de son installation hors de France. Le Parlement français n'a jamais été consulté dans le cas d'espèce, que ce soit pour l'opération dévancière Barkhane, que pour l'opération Sabre. Donc c'est une présence illégale, du point de vue de la Constitution française, l'opération Barkhane et l'opération Sarb sont des opérations illégales. Elles n'ont pas le droit. C'est des mercenaires qui sont là-bas. Ce ne sont pas des militaires français. Ce sont des mercenaires. Au regard de la loi française, stricto sensu, au regard de la loi, ce sont des mercenaires. Ils disent que Wagner, c'est des mercenaires. Ce sont eux qui sont des mercenaires. Nous, c'est la loi française. Hein. C'est la loi. Celui qui connaît l'article 35 de la Constitution française. La présence française, des militaires français, hors de France, est subordonnée à l'autorisation du Parlement français. Oui, c'est comme ça, c'est la loi. Et le président doit motiver. Et il doit, tout à échéance, venir expliquer au Parlement pourquoi il a déployé les forces militaires françaises, quel est le bilan. Cela n'a pas été fait jusqu'ici. Ils ont trouvé une pirouette. L'ambassadeur de France, Alade, est allé devant le Sénat, devant la commission des affaires étrangères du Sénat, et il a dit que le problème au Burkina, c'est une crise endogène qui doit déboucher sur une guerre, inévitablement sur une guerre civile. De façon péremptoire, des propos peu diplomatiques, il a dit publiquement, parce que ce sont des sorties publiques, ce sont des débats qui sont retranscrits à la télévision. Effectivement. On s'est dit non, c'est de la maladresse. Mais quand on connaît Luc Alade, son passé, son parcours, on s'est dit que ce n'est pas la maladresse. C'est un propos bien calculé. Ce monsieur a été conseiller culturel au Cameroun et au Comores. Deux postes stratégiques, n'est pas conseiller culturel là-bas au hasard. Parce qu'on écrit là devant la porte conseiller culturel. Non, il n'est pas conseiller culturel. Hein. Le conseiller culturel ne s'occupe pas des danses, de la musique, là, c'est faux. Il a d'autres missions qui sont cachées, bien cachées. Il a un rôle stratégique à l'ambassade. Oui. Donc, Alade a servi au Cameroun, le monsieur-là. Il a servi au Cameroun, il a servi au Comores. Et il sait comment ça machine. Il sait comment les déclarations, toutes les déclarations de ce type, comment elles, quel impact elles peuvent avoir. Bon, les autorités burkinabè ont dit que du Burkina Faso, on dit que trop, c'est trop. On décidait de mettre fin à la chienne dite et dire, monsieur, on ne veut plus vous voir, rentrez chez vous. Le ministre des Affaires étrangères burkinabè a appelé son homologue français, lui a écrit, lui a dit, je ne veux plus voir la tête de ce monsieur au Burkina Faso. La population a compris tout de suite, a appuyé les autorités burkinabè. Pourquoi? Parce que, un, c'est d'abord l'impudence de ce monsieur, de ses propos. Ensuite, quand on fait même le bilan de l'opération Sabre, tous les jours, il y a des rapts, il y a des crimes, la population est martyrisée, la violence est quasi endémique. Mais vous, là, qu'est-ce que vous êtes venu faire alors? Il faut un bilan de leur présence. On ne voit pas. Le bilan est nul et négatif. Alors les populations trouvent que non seulement l'armée française, dans le cas de l'opération Sabre, ne remplit pas son cahier de charges, mais ensuite ils n'hésitent pas à affirmer qu'ils sont en soutien, en liaison avec les groupes de djihadistes. Donc ils veulent légitimer des djihadistes, comme ils l'ont fait au Mali précédemment, ils veulent légitimer des djihadistes dans l'équation politique au Burkina. C'est inadmissible. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait au Mali, ils veulent aussi le faire au Burkina. C'est-à-dire, on va faire un gouvernement d'union nationale de transition où on va intégrer d'anciens vendeurs de drogue en forêt, d'anciens vendeurs de tramol qui vont devenir ministres des mines et ils vont s'attribuer les mines. Et vous allez voir que les entreprises qui vont obtenir les licences de ces mines, curieusement, seront des entreprises qui sont proches de certains milieux économiques français. Donc, ne pouvant accepter cette imposture, parce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un problème en Afrique, on a tendance à oublier l'histoire. N'oublions jamais, lorsque des mercenaires ont attaqué Kisangani en 65 au Congo, ils ont attaqué Kisangani et ils ont pris les multinationales belges et françaises pour venir diriger les mines du Katanga, de Kivu. Oui, les mines au Congo. Sous Tchombe, on a dit à Tchombe, c'est toi l'interlocuteur valable. On peut discuter avec toi. Les mercenaires ont fait le boulot. Maintenant, comme ils ne peuvent plus le faire, ils passent derrière les djihadistes. Et la population ne peut pas, n'a pas pu supporter ça. Parce que vous connaissez un pays qui était calme, un pays qui vivait une certaine félicité. Subitement, il est désorganisé du fait de la violence. Et la violence n'est pas le fait des Burkinabés. Hein. Les gars qui sont là, ce sont des gars qui viennent du Yémen, du Pakistan, là-bas et tout. Ils débarquent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Et on leur dit, venez faire le coup de feu. Au lieu de mettre ces gens hors d'état de nuire, qu'est-ce que l'armée française, elle entreprend de négocier avec cela. Vous négociez quoi avec eux? On négocie avec les bandits. On vient de négocier avec eux. Pour vous, pour eux, c'est une guerre civile. Donc, les Burkinabés sont en train de vouloir se déchiqueter les uns les autres. L'armée se déchiquette avec les Burkinabés? Non. L'armée est dans une posture de rétablissement de l'autorité de l'État. Mettre fin à la violence. Dans ces villages, il n'y a plus de nourriture. Puisqu'il n'y a plus d'agriculture, c'est un peuple qui sait élever ses céréales pour manger. Comme il n'y a plus de céréales, les gens sont désemparés. Ils sont obligés de faire de longues distances pour aller se ravitailler. Et sur les routes de ravitaillement, les djihadistes sont cachés, sont tapis dans l'ombre. Donc il faut donc une force assez coercitive pour empêcher ces djihadistes d'évoluer. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers Wagner. Parce que le travail fait par Wagner, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali, ben, penche la balance vers Wagner. Soit qu'aujourd'hui, que ce soit Wagner ou une autre force, nous voulons la paix. Et pour conquérir la paix, il n'y a pas d'autre solution. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Maintenant, sur les moyens utilisés, je dis toujours aux Africains, en attendant qu'on mette en place une force armée africaine, une force armée panafricaine, capable de défendre nos territoires, il faut qu'on construise un mur. On doit construire des murs de sécurité. Israël nous a montré l'exemple à Gaza. Oui, ça ne gêne personne là-bas à Gaza, hein, le mur que Israël a créé. Ça ne gêne personne. Les Occidentaux ils vont fermer la bouche. Nous aussi, on doit mettre dans la zone des trois frontières, Burkina, Mali, Niger. On met un mur, on électrifie le mur. Maintenant, on met les drones. Il y a les petits ici qui fabriquent les drones en Afrique. On met les drones militaires. Celui qui met le l'empêche. On ne discute pas. Oui, c'est le seul moyen. Le désert, c'est pas comme la forêt. En forêt, il peut avoir 1000 routes. Au désert, il y a une seule route. Donc, il suffit juste de mettre une barrière de sécurité. On met les drones, mais des drones militaires, avec vision infrarouge, ça nous permettra de voir tous ces gens qui circulent là-dedans et les réduire en centre à la moindre tentative de franchissement illégal du mur. Ça nous permettra d'avoir la mesure des flux. Moi, c'est un peu l'expérience de l'Afrique. Quand les milices inter-arouées au Rwanda sont partis du Rwanda après l'offensive des forces du RPR de Kagame, venues d'Ouganda et de Tanzanie. Les milices interahouées se sont rentrées dans la forêt en RDC pour les pourchasser. Kagame est allé chercher ce qu'on a appelé les hélicoptères Bell, les hélicoptères anglais, les Bell. Les Bell ont été équipés de la vision infrarouge. Seuls les Israéliens avaient cette technologie. Les Israéliens ont mis ça sur les hélicoptères Bell anglais. Ça permettait de voir les gars des milices inter-ahouées. Dans la nuit, on les voyait comme en plein jour. Et on pouvait tirer sur eux comme des lapins. Il y a eu des pogroms qui ont été faits dans la forêt de Kivu. Mais c'est ce qu'il faut faire là-bas, dans la zone. Comment des gens qui ne sont pas formés à faire la guerre puissent déstabiliser trois armées? C'est qu'il y a des complicités. Nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut une mesure, une camisole de force. Parce que tant qu'il y a la violence, il ne peut pas avoir de développement. Et quand il n'y a pas de développement, il ne peut pas avoir l'État. C'est clair que il n'y a pas... Les gens veulent... Quand vous lisez tous les journaux, on vous dit... La tendance maintenant, c'est de dire que les peuples du Burkina Faso sont ostracisés. Ils sont marginalisés. Ils sont marginalisés au Burkina. Ils sont marginalisés au Mali. En Guinée-Conakry également. Ils sont marginalisés au Niger. C'est quoi? C'est la préfiguration. C'est pour légitimer les revendications de certains peuples nostalgiques de l'empire peul du Massina et du Karta. Oui, l'empire médiéval. Les empires médiévaux du Massina, peul du Massina, du Karta, de Fouta Toro. Il faut. Donc on va prendre tout ce territoire-là et dire que non, les peuls doivent avoir un État. Et créer ce que Issa Diawara appelle souvent la question peul. La question peul. Vous voyez. Donc c'est ça, c'est de façon astucieuse. On vous dit que les peuls sont ostracisés. Il y a une sorte de marginalisation. On tue les peuls. Oui. Donc, et l'ambassadeur Alad a succombé à ça. Il a dit à la commission des affaires étrangères que c'est un problème, une crise endogène qui risque de déboucher de façon inévitable sur une guerre civile. Donc, comme pour eux, tout en Afrique, tout est lié à l'ethnie, au clan. Et c'est derrière les bagarres de clans, des ethnies, qui vont m'envoyer les militaires. Donc on va faire un gouvernement d'union nationale de transition où on va prendre quelques faire-valoir peul et on va les insérer. Donc, et ils vont venir revendiquer les ministères stratégiques, les mines comme par hasard. Donc vous voyez, véritablement, aujourd'hui, c'est ça le vrai problème au Burkina. Le Burkina doit prendre la mesure de sa responsabilité historique. Et les Africains doivent appuyer le Burkina. Parce que si ça brûle là-bas au Burkina, le Bénin va aussi suivre. Tous les pays, les riverains, quand ils vont, les djihadistes sauront que, mais dont on peut, ils vont s'hardir et ils vont, ce sera une déflagration à l'échelle de l'Afrique. Il est inévitable que les Africains, rapidement, doivent mettre sur pied une capacité de riposte qui va aller à la constitution d'une véritable force armée dans laquelle aucun Européen ne doit passer autour, ni en termes de conseil, ni en termes de financement. On ne veut pas, parce qu'on est suffisamment riche. Il suffit simplement que, à chaque fois qu'un kilogramme de minerai sort du Cameroun, de la RDC, du Mali, du Niger, c'est-à-dire rien que dans les trois pays-là, Burkina Faso, Mali, Niger, à chaque fois qu'un kilogramme de minerai sort, on enlève une certaine somme. On fait un fonds de solidarité qui va servir pour financer cette armée. Cette armée, on peut la mettre, une armée en attente, qui peut avoir 500 000 hommes. Nous, on peut construire un mur défensif, muni de drones, vraiment qui va nous donner la maîtrise des flux, nous permettre d'avoir la maîtrise des flux humains dans le désert, dans cette zone. Et on saura qui est djihadiste, qui ne l'est pas. Eh bien, qui est djihadiste, qui ne l'est pas. Au lieu de venir supputer sur Alad, les gens comme Alad, ils ne nous servent à rien. L'opération Sabre, je crois que les Français peuvent reprendre leurs troupes, rentrer chez eux. Eux-mêmes, ils ont émis une idée dernièrement. Il ne faut pas leur permettre de réfléchir. Monsieur, prenez vos affaires, partez chez vous. Simple. Maintenant, on se met dans la situation où on reprend notre destin en main. Sinon, on ne va pas. Je crois que c'est Bertrand qui parlait tout à l'heure, Bertrand Tatinda, qui parlait du président de l'Union africaine. Non, président de la Commission. La Commission. Nous nous occupons plus de ce genre de choses. Je pense que lorsqu'il y a une défense militaire, vous comprenez, les problèmes de sécurité, parce que vous avez une sorte de vous les avez en partage. On sort rapidement. Vous avez les mêmes problèmes. C'est vous qui pouvez réagir de façon efficace à vos problèmes. La Guinée-Bissau n'a pas ce problème, donc un bal au lieu, ça ne lui dit rien. Vous avez un vrai problème. Entendez-vous? Oui, un véritable axe. Bamako, Conakry et Ouagadougou. Et Ouagadougou. Pour mettre sur pied une véritable, une conjonction de forces, une véritable armée panafricaine, et maintenant appeler les volontés populaires dans toute l'Afrique, que les gens aillent s'enrôler, ceux qui le veulent bien, s'enrôler dans cette armée et maintenant bâtir un mur. Vraiment, je vous assure que c'est la première des choses. C'est la chose la plus importante là maintenant. Si on veut contrôler les djihadistes là, qu'on mette le mur, vous allez voir. Merci à vous, Henri Diabaté-Mandeng. Je me tourne vers vous pour sortir de cette thématique, étant donné que le temps qui nous est imparti est pratiquement arrivé à son terme. Président Manda Kanyi, Henri Diabaté-Mandeng a commencé à évoquer certaines pistes de solutions. Est-ce que on peut vous partager l'avis de ceux-là qui pensent que c'est le recrutement lancé par les nouvelles autorités burkinabées? On a vu l'engouement avec lequel les jeunes burkinabés ont voulu s'enrôler dans les forces de défense de sécurité pour essayer de lutter contre le terrorisme de ce côté-là. Est-ce que cela a contribué à réveiller l'esprit de prédation de la France qui se croyait en terrain conquis au Burkina? C'est évident, c'est même très évident, parce que je vous ai dit que la première pierre pour construire l'édifice de l'émancipation, c'est l'armée, c'est la pierre militaire. Parce que le principe du précario français, c'est qu'il n'y a pas d'armée, que le pays n'ait pas d'armée. Effectivement. Qu'ils aient des carrosseries militaires vides. Et comme ça, c'est la France qui est derrière. Et une fois qu'elle est derrière, elle fait ce qu'elle veut, elle dicte la loi. Donc le Burkina est dans une dynamique qui fait peur. Qui fait peur, d'autant plus que le très jeune capitaine président a posé un acte diplomatique extraordinaire. Les gens n'ont pas vu la mesure. Première visite d'État. C'est au Mali. Mais le message était passé. J'ai compris. Parce qu'il a bien compris. Mais avant même Somak, Marc Roche, Christian Caboret, mais les militaires avaient fait des rapports. C'était clair. C'est la France. C'est la France qui a dit cette affaire. Donc, les militaires burkinabés savent. Et les militaires patriotes burkinabés savent quel est le problème. Mais c'est pas ici qu'on veut. Les panafricanistes, ils ne parlent plus de l'origine du terrorisme. Le débat là, on ne fait plus ça. Beaucoup avaient d'ailleurs conseillé de se tourner rapidement vers la Russie. Oui, non, on ne fait plus le débat là. On connaît comment ça s'est fait. On connaît comment on a créé cette affaire, comment on l'a imposée, comment on l'a implémentée. On connaît. Donc, l'analyse du camp Mandin dit, parle de mieux. Les gens peuvent penser que c'est une blague, mais c'est une démarche stratégique et géomilitaire extraordinaire. Extraordinaire. Mais écoutez, je vais renverser le raisonnement. Mais qu'est-ce que la France est venue faire dans le Sahel? 5000 hommes dans le Sahel, c'est quoi? Maintenant, en plus, Takuba. En plus, appeler tous les Européens de venir qu'on se fédère pour faire justement ce mur militaire. Parce qu'à défaut de construire un mur physique, c'était le mur militaire qu'on était en train de faire au Sahel. Les Français. Et s'ils avaient réussi, c'était terminé. Et d'ailleurs, ils l'ont dit. C'était au moins pour 500 000 ans. Ils l'ont dit. Le chef de la mission Makan, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on ne vient pas là pour deux jours. Si c'était pas ça, Centrafrique, là, c'est fini. Qu'ailleurs, là, on ne fera plus. On vient là pour rester. C'est l'avenir. Parce que notre avenir en dépend. Claire. Alors, donc, quand M. Mandin parle du mur, les gens pensent, mais est-ce que la Chine n'a pas construit une muraille? Mais pourquoi? C'était pas un ouvrage d'art au sens de se délecter après avoir bien mangé. C'était l'édifice militaire, de stratégie militaire. Donc, comme le mur de Donald Trump. Bon, c'est pas la même chose. Là, on voulait gérer une frontière. On gère une frontière là-bas. Une frontière problématique grave, parce que derrière, il y avait des trafics extraordinaires. Mais là, au niveau du Sahel, il ne faut pas jouer. La piste qu'il m'a propose sur le plan militaire, ça a du sens. Mais il faut que les États se donnent la main. Les Européens viennent chez vous, ils vous donnent la main, ils vous montrent l'exemple. Il faut une alliance géopolitique, ils se donnent la main en tant qu'Européens. Mais les Africains ne se donnent pas la main. On va revenir là-dessus. C'est une réflexion profonde qu'il faut faire sur l'Africain et son rapport à lui-même. Oui, le débat, il est là. Mais là, les trois États qui ont des intérêts communs, ils ont des intérêts géopolitiques communs, mais il faut qu'ils commencent. Il faut qu'ils commencent. Cet axe-là, on l'a dit ici. Nous avons demandé à ces trois États de se donner la main. Très rapidement. Ils seront très puissants. Avec des alliances globales dignes de son nom, plus réfléchies, ils seront très puissants. Vous comprenez? Donc, le départ d'un panafricanisme du 21e siècle, c'est pas compliqué à constituer. Hein? Les rêveries, les utopies généreuses, n'est-ce pas, de Nkrumah, pour que nous avons un respect énorme, on connaît les limites, à défaut de vouloir de réunir tout le monde. Mais on commence, mais l'Union Européenne, c'était deux, hein? Après, ça évolue. Je ne dis pas que c'est le modèle à suivre. Mais je veux dire que vous voyez comment nos ennemis font ça, deux commencent. Trois pays, c'est beaucoup. C'est largement suffisant pour lancer une véritable dynamique. Donc, la démarche du capitaine, du jeune capitaine, a effrayé énormément les Français. Et c'est clair et net. Un autre niveau, auparavant, avec le Sahel, on avait vu la consécration de ce que j'ai appelé le monopole géopolitique de l'Occident en général, mais de la France du tout, en Afrique de l'Ouest. C'était un monopole. Quand ils ont commencé à construire la CEDEAO, mais tout le monde y a vu du vent. On a dit que c'est une institution africaine. Ça faisait sourire. C'était un montage institutionnel qui consacrait cette domination du point de vue. Dans le but de la France, il était question d'une manière ou d'une autre de contrôler le Nigeria. C'est-à-dire de ne pas laisser le Nigeria sur le parapluie américain. Et de faire pour qu'on... Mais, en tout cas, qu'elle a enréolé tous les États dans la CEDEAO, qui était une camisole de force géopolitique. Mais on a bien maquillé ça. C'est la solidarité, on va faire l'économie, des bêtises comme ça, les gens ont vu. Et c'est que, ben, il y a des crises de ce type que les Africains, surtout sur l'Afrique de l'Ouest, reviennent de leur rêverie pour comprendre que, ben, les histoires d'intégration, là, c'est pour se moquer d'eux. C'est l'intégration de la plantation d'esclaves. Pour se moquer d'eux. Et les gens ont compris que, mais à quoi ça sert d'un esclave destitué dans une grande plantation? Est-ce qu'il y a une différence entre une grande plantation qu'on a élargie, en fait, une grande plantation qui était l'élargissement des petites plantations, et maintenant on vous dit de circuler. Comme on a élargi, quand la plantation, n'est-ce pas, est devenue grande, parce que les petites plantations là ont été élargies en une grande plantation, vous êtes content que vous circulez librement. Et l'esclave qui circule. Tout arrêté avec esclave. Mais pour tout cas, c'est un empiré, il s'est rendu compte là maintenant. Et nous, on avait dit ça ici. Voilà pourquoi je disais ici que, mais chaque fois qu'il y avait un débat ici sur l'intégration, maintenant tu te souviens, l'Afrique centrale, c'est non, mais j'ai passé le temps ici, je paraissais comme un fou, vous me faites rire, c'est de l'enfantillage. L'Afrique centrale est encore mieux. Vous ne m'avez pas intégré, que d'être intégré par votre ennemi. C'est compliqué à comprendre. Je disais ici, non, nous on a avancé, vous êtes avancé quoi? Vous avancez où? C'est là maintenant. Donc, il y a eu. La crise qui est là au Sahel, au moins fait une bonne chose, c'est que ça débouche sur le brisement de ce monopole. Il y a le monopole. On passe d'une monopolarisation géopolitique sous le contrôle de l'Occident et de la France, n'est-ce pas, en particulier, à une multipolarisation, au moins on va vers là, dans la sous-région au plan géopolitique. Et c'est la clé du progrès. C'est la base du progrès. Parce que imaginez, je dis souvent aux gens, il y a des gens qui bavardent là, quand ils sont dans leur salon, ils regardent la télé, ils sont sur le terrain vert, ils boivent un whisky, ils sont contents. Peut-être ils ont leur femme près d'eux, qui caresse un peu leur cuisse gauche. Pourquoi la cuisse gauche, président? C'est parce que le parler, on s'est compris. Alors ils s'assoient, vous disent, mais vraiment, vraiment, les Russes, là, les Africains doivent compter sur eux-mêmes. On ne peut pas voir les Russes ici. Hein? On ne parle pas d'un mètre et un autre. Mais quand vous venez de manger un bon plat, et vous, il faut me prendre vous. Vous racontez des pitiéries comme ça. Et ces gens-là, ils ne peuvent même pas faire un combat, ils ne peuvent même pas sortir de leur chambre. Voilà le Burkina Faso. Où sont les Africains? Je dis, qu'est-ce qui empêche tous ces experts en géopolitique qui sont là dans les réseaux sociaux, ils donnent des leçons, ils disent comment ils sont. Il faut compter sur soi-même l'indépendance, vraiment, d'avoir compté sur nous-mêmes. Ils sont où? Allez, au Burkina Faso. Si le Burkina Faso compte seulement sur les Africains là, ce pays va disparaître. Il va disparaître. Le Mali s'est révélé. Le Mali a repris du poids le jour où, un, la population a pris conscience, est revenue de ses utopies françaises, pour rester poli, et a compris. Dès qu'il y a une alliance, une articulation entre la branche patriotique de l'armée et le peuple, ils ont compris que maintenant, on fait une alliance. Ce n'est pas la compromission. Ce n'est pas une dépendance. On fait une alliance. C'est ça qui a maintenu le Mali debout jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui a maintenu le Mali debout jusqu'aujourd'hui. Donc, les gens, ça fait quand même rire. Donc, ils sont là, tu le dis, donnent des leçons. Des experts en géopolitique sont nés le matin. Et tous les compétents en géopolitique se limitent à insulter la Russie. Évidemment, les Français écrivent et élisent. Le départ, c'est donné par Le voyou qui était ancien ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, ici à Brazzaville, on ne quitte pas un maître pour l'autre maître, reconnaissant pour la, enfin que la France était alors un maître. Effectivement. Ce qu'elle n'avait jamais accepté hier. Alors du coup, le ton a été donné. Tous les faux, les Africains, les Français africains, les Africains français. Allez, c'est le discours tous les jours maintenant. La Russie vient, un nouveau maître, ils lisent pas l'histoire du monde, ils lisent même pas l'histoire de la Russie. N'ont jamais lu, savent même pas de quoi ils parlent, mais ils ont le courage de se présenter parce qu'on va donner un visa pour aller à Paris, quelques euros vont circuler, et ils sont dans les réseaux sociaux pour oser nous attaquer. Mais on attaque par une dynamique comme celle-ci, historique, avec les trolls dans les réseaux sociaux. C'est ça l'erreur de la France, ça fait pitié. C'est un moment de fond. Alors on a dit que la Russie avait stipendé les panafricanistes. Bon, certainement c'est la Russie qui est en train de stipendier le capitaine Traoré. La Russie est en train de stipendier les populations de Burkina qui marchent tous les jours. Mais si c'est le cas, vous avez un problème. La Russie d'avoir beaucoup de roubles à distribuer chaque jour à des populations qui sont en milliers dans les pays pour dire qu'allez marcher contre la France, vraiment, allez chasser les Français. Ça fait honte. C'est l'incompétence totale des dirigeants français, le feignantisme historique qui les amène à masquer leur nullité par un discours de quartier. Il faut analyser une réalité historique pour comprendre. Il faut l'analyser profondément pour la comprendre. Est-ce que vous pensez que les États s'élèvent comme ça, par exemple, un matin, et commencent à se comporter comme ça? Le capitaine connaît les secrets d'État de son pays, il connaît ce qui s'est passé. On connaît. Est-ce que c'est compliqué d'aller lire l'histoire de comment c'est organisé en Libye? Tout ça a été organisé à partir de la Libye. Ça a été organisé, clair. Les Français sont partis, il y a des documents. Des reporters, des services secrets qui parlent français. Comment ils sont allés dire avec les Touaregs qu'ils font filer avec Kadhafi, vous aurez votre État indépendant. Allez, entrez dedans. Et pendant qu'ils font ça, les mêmes gens créent les djihadistes, ils les créent pour faire la confusion, pour contrer justement encore les Touaregs qu'ils ont mobilisés. Mais, comment on appelle ça la programmation de linguistique? C'est-à-dire qu'on te donne ici, on vous fabrique comme ça, bon, on dit avec vous, on crée votre compte ici, et par derrière on crée le compte du compte, et on habite au milieu, on dit que vraiment machin et consort. C'est, on connaît tout ça. Donc, le fait qu'actuellement l'Afrique de l'Ouest, les Ouattara ont du répondant, c'est-à-dire qu'ils ont leurs alliés, leurs maîtres français, en face il y a des gens qui ont aussi dit qu'on va s'affronter, et à terme, ça ne peut que conduire à la défaite des pro-français. Donc, il faut que le président du Burkina, le chef de l'État de Burkina Faso, tienne bon. Qu'il ne bouge pas, qu'il tienne bon. Eh bien. La démarche qu'il a prise avec le Mali, qu'il tienne bon. Il faut pas qu'il a perdu le temps avec les gens comme le Ouattara et les Bazoum. C'est une perte de temps inutile. On n'a même pas la peine de les visiter. Des gens comme ça. Eh bien, Cristal, il faut les laisser. Ça ne sert à rien, tout ça. Qu'il continue fermement. Et que cette. Comment dire ça? Ce retour. Des combats panafricanistes au Burkina Faso, qui est une terre qui a connu ce genre de combat, pas seulement avec Sankara, contrairement à ce que les gens pensent, c'est une tradition. Sankara était vraiment. Mais le Burkina, c'est, comme on disait, l'histoire du Burkina Faso, c'est pas une surprise. Donc maintenant, il faut que ce mouvement de la société burkinabé, qui prend son destin en main, que ce soit bien articulé, bien organisé, rapidement, et que cette articulation entre les populations et les soldats, et l'armée permettent de faire ce bond stratégique, n'est-ce pas, qui permet d'abord de mobiliser le peuple autour, n'est-ce pas, de la transition. D'une cause commune. Alors, la transition. Mobiliser le peuple autour, de manière d'abord à marginaliser les politiciens locaux. Attention. Vous savez que la France, dans tous les pays qu'elle contrôle, elle crée des politiciens. Et ils sont toujours majoritaires, hein. C'est majoritaire. Vous avez vu l'ancien voyou qui était à la tête du pays. Il est allé au Togo là-bas, il dort là-bas. Il mange son caviar. Vous voyez ce qu'il est venu faire. Toute la classe politique, les marques, tous ces gens-là, quand vous regardez, ce sont les qui sont moulés jusqu'aux os dans les concepts, les manières de faire français. Ce sont les valets français. Le Mali a tenu face à ces politiciens, Mamako, à cause du peuple malien. Le peuple les a effrayés. Alors vous voyez, depuis, ils comptent sur la lassitude de la population et le fait que, bon, qu'à un moment donné, la réalité, les conditions de vie va amener les gens à ne plus se souder comme ça derrière la tradition pour essayer de. Et ils ont commencé. Pour essayer de s'entraîner. Les Mahmoud Diko, au nom de la religion. Et les frères, les gens, ils disent que si vous lui parlez fort, il va convoquer Mohamed, moi-même va vous maudire. Hein, il m'a heureusement qu'il y a les vrais hommes là-bas à Bamako qui regardent ça. Mais on manipule comme ça pour créer de fragiliser, de créer de la brèche dans cet édifice. Parce que quand vous écoutez les médias français, vous dites quoi? Que non, une partie du peuple malien. Ils disent toujours ça. Hein? Une partie du malien, il y avait la transition. Une partie. Pas pour rien qu'ils disent ça. Parce qu'ils veulent justement créer cette division. Ils comptent là-dessus. Parce que le jour où la fusion entre le peuple, cette articulation est attaquée. Ils mettent des milliards pour ça. Ils financent des politiciens. Ils vont retourner les anciens combattants. On va dire ça a commencé. On va retourner les gens qui ont tenu un discours bizarre, mais on les a retournés avec de l'argent pour essayer de fragiliser la transition. Parce qu'une fois que c'est fait, les traîtres locaux reprennent le poil de la bête et ne craignent plus. Mais quand le peuple soit par millions là et derrière, ils ont peur. Vous comprenez, hein? Parce qu'ils ont peur, par exemple, qu'on peut brûler leur maison. On peut faire ceci. Ils ont peur. Donc, il faut qu'au Burkina Faso, c'est la clé. On sort par là, Président. Oui, au Burkina Faso, la clé, c'est ça. Il faut que les populations et les Français jouent là-dessus, que continuer à mobiliser davantage. Pour que les gens soient de plus en plus nombreux mobilisés. Dans tous les confins du village, mobilisés. Autour de l'armée, n'est-ce pas? Et qu'il y ait cette articulation armée-population. Qu'on travaille ça bien, et je ne veux pas dire sur un plateau, mais le Burkina a des compétences pour ça. Que les gens, qu'on articule ça bien, et qu'on nous cette alliance stratégique, n'est-ce pas, qui permet de tenir, comme ça, quand l'ennemi vous voit, il sait que nous, derrière là, vous avez des gens, et vous avancez. Vous avancez. Je pense qu'à ce prix-là, n'est-ce pas, le Burkina va aller de l'avant d'ailleurs. C'est un grand pays qui a fait ses preuves dans l'histoire. Ils iront de l'avant. Ils ont leur destin en main. Les épisodes comme le Tintin ambassadeur qui fait le cinéma là-bas en France. Luc Allade. Vous l'appelez qui? Luc Allade. Donc ce petit Tintin-là qui s'achète au Burkina Faso, ça va être un souvenir sur lequel on ne va même pas s'attarder. Merci à vous, Président Banda Kanyi. C'est avec ces paroles que nous allons sortir de cette émission, car elle est arrivée à son terme. Merci, cher monsieur, de nous avoir accompagné. Docteur Jean-René Douma, Paul-Henri Diabaté-Mandeng, Bertrand Tatinda et le Président Banda Kanyi. Merci d'avoir participé à cette édition du débat panafricain. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été autant nombreux à nous suivre, Président. C'est le cas de Martinez. J'ai oublié le cas du ministre camerounais. Gabriel Dodondoke. Qui est décédé. Dans des conditions qui restent à élucider. Je voudrais, au nom du NMP, présenter nos condoléances à sa famille, à sa épouse et à ses enfants. En cette situation difficile, nous voulons témoigner ici notre solidarité à la famille de monsieur le ministre, qui était un jeune ministre, assez brillant, et qui concentrait sur lui un certain espoir, n'est-ce pas, de l'avènement dans notre pays du ministre, qui sont capables de renouveler les pratiques, capables de présenter notre façon un autre rapport. De faire leur travail. À l'État, à la gestion de la chose publique et surtout à la relation avec les usagers et les citoyens. Condoléances à la famille. Monsieur le ministre. Merci à vous, Président Banda Kanyi. On vous remerciait, vous également, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été autant nombreux à nous suivre. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre sur nos programmes. Nous vous en remercions. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pour que cette émission arrive à son terme. Daï et Nathan étaient à la réalisation. Au Téléambassa était bien sûr à la diffusion. Junior Wafo à la présentation. Mesdames, Messieurs, restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Bonsoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.